Bon, vous m'excuserez cette introduction en forme de pseudo-visual novel du pauvre, car c'est maintenant d'une véritable version haute qualité dont je vais vous parler. Along the Edge est donc un visual novel, développé par Novabox. Alors avant de parler plus avant de ce studio bordelais, et évidemment de leur jeu, petit retour rapide sur ce qu'est un visual novel. Selon nos amis de Wikipédia, un visual novel est un type de jeu vidéo qui est constitué d'un cadre dans lequel défile du texte, généralement accompagné d'images et de sons, et qui raconte une histoire. Dans la plupart des visual novels, le lecteur a la possibilité d'intervenir sur le déroulement de l'histoire par l'intermédiaire de choix textuels. Ce type de jeu se rapproche donc un peu des livres dont vous êtes le héros ou encore de ces vieux jeux d'aventure textuelle qu'on trouvait dans les années 80. Les visual novels sont d'ailleurs apparus dans ces années-là, mais c'est surtout dans les années 90 qu'ils prennent leur essor grâce aux avancées technologiques. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous conseille le très bon article d'Elexia sur le site popfiction.fr, article dont j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Le point essentiel à retenir, c'est que les visual novels sont essentiellement développés et édités sur le marché japonais, voire les marchés orientaux. On en trouve encore peu en Occident, et ça reste surtout un domaine de niche, même si certains titres débarquent sur les consoles next-gen. Et si certains studios européens commencent à en développer, ils restent souvent dans le style manga. Et c'est sur ce point, mais pas que, que Along the Edge se détache de la production habituelle. Ce visual novel a donc été développé par Novabox, un studio français basé à Bordeaux, fondé en 2007. D'abord sous-traitant pour des productions Nintendo DS, ils ont commencé à développer des applications à partir de 2011 avant de se lancer complètement dans la production de jeux vidéo en 2013 avec Echoes, un jeu narratif épisodique. Après un développement de 9 mois, Novabox a accouché le 14 juin 2016 de Along the Edge. Le petit nouveau du studio est disponible sur PC, Mac, Linux avant d'être baptisé sur tablette numérique en septembre 2016. Pour l'occasion, le studio a d'ailleurs développé son propre moteur de jeu. Along the Edge nous met dans la peau de Daphné, une jeune femme un peu perdue qui se sent dans une impasse, tant sur le plan personnel que professionnel, et qui va profiter d'un héritage inattendu, à savoir un vieux manoir familial situé dans un coin paumé de la France, pour changer de vie. Toute la question est de savoir à quel point elle va changer ou pas, et c'est ce que nous, joueurs, allons devoir choisir. Alors je ne veux pas entrer dans l'histoire, ou plutôt devrais-je dire les histoires, car ce serait gâcher l'expérience. Je peux simplement vous dire qu'on nous entraîne dans ces régions un peu reculées de la France où se nichent traditions, croyances, folklore, querelles familiales, secrets enfouis, voire même sorcellerie. Et que le jeu sait à la fois nous imprégner de ces mystères, mais aussi nous laisser libres d'y prêter foi ou pas. Car parmi ces thématiques fortes, il sera question de la science contre la magie quelque part. La question du choix est centrale et n'est pas du tout à prendre à la légère. Along the Edge nous propose beaucoup d'embranchements. Certains sont mineurs, mais d'autres beaucoup plus importants, ce qui fait qu'au final, l'histoire peut partir dans des directions bien différentes, et il faudra bien plus d'une seule partie pour découvrir toutes les possibilités proposées. D'autant que l'on ne va pas intervenir que sur le scénario du jeu, mais également sur les personnages, et en premier lieu Daphné. Un protagoniste vraiment travaillé qui, au gré de nos choix, va voir sa personnalité évoluer. C'est là un élément capital et très intéressant de Along the Edge. Et cette évolution, en plus d'impacter l'histoire, va aussi se traduire dans la façon dont la jeune femme va aborder et ressentir les événements, interagir avec les autres personnages, mais ça va aussi également modifier son apparence physique. Le jeu propose d'ailleurs plus de 30 variantes de l'apparence de Daphné. En plus du protagoniste, nous pouvons aussi influer sur le trépas ou non de certains personnages secondaires, sans oublier l'aspect romance. Même si sur ce point, le jeu évite, et c'est une très bonne chose, le côté harem qu'on peut trouver dans des visual novels japonais. Peu de compagnons possibles donc, mais des relations travaillées. Même si j'ai trouvé parfois que certains choix étaient un peu trop abrupts. Enfin, soit c'est parce que je ne suis pas une fille facile, soit peut-être parce que je suis un gentil loser en ce qui concerne la chose romantique dans la vie réelle. Bref, à la fin de ma première partie, je me suis retrouvé célibataire parce que justement, je n'avais pas voulu brusquer les choses. Mais dans la vie aussi, ça peut arriver, donc ce n'est certainement pas un reproche que je ferai au jeu. En ce qui concerne tous les autres personnages, on retrouve une palette de personnalités plutôt élargie, et même si on évite parfois pas quelques clichés, au final tout ce petit monde évolue avec un naturel vraiment rafraîchissant. Pour en revenir au choix, afin de nous faire percevoir ceux qui vont impacter l'histoire et le personnage principal, les gars de Novabox ont mis en place un système de roues de symboles qui s'illuminent lors d'une action significative. Ils sont au nombre de 4, soleil, lune, sphère et étoile. Chacun touchant à l'humeur, l'esprit cartésien ou alors mystique de la jeune femme. Ces 4 points peuvent parfois même débloquer des symboles intermédiaires, Le nombre de combinaisons permet donc d'emmener Daphné sur une multitude de chemins. Le jeu propose 6 grandes fins pour l'histoire et 4 destinées pour son héroïne. Mais au fil des choix, les variantes de fins, si infimes soient-elles, peuvent même monter jusqu'à 60. L'une des grandes qualités du jeu n'est pas de réussir ce tour de force, mais surtout de rendre l'ensemble presque toujours fluide et naturel. Cela tient tout autant aux différents scénarios qu'à la très belle écriture du jeu. À la plume, nous trouvons Geoffroy Vincent, cofondateur du studio, qui est aussi à l'aise dans les moments d'introspection de Daphné que dans les dialogues. Rares sont les moments où une réplique m'a fait lever un sourcil, et si cela a été le cas, c'est surtout parce que le reste de la production littéraire tournait vraiment à un niveau soutenu. Donc malgré quelques toutes petites maladresses, j'ai vraiment dévoré les lignes de texte, lesquelles sont magnifiquement soutenues par des illustrations de toute beauté que l'on doit à Nicolas Fouquet. Dans une interview, Geoffroy Vincent expliquait que le choix de faire du visual novel était à la fois dû au fait que le genre tournait à 100% autour de la narration, mais aussi parce qu'il permettait de mettre en valeur deux aspects créatifs qui tiennent beaucoup à cœur à Novabox, l'écriture et l'illustration. Le travail de Nicolas Fouquet est remarquable. Ses illustrations nous captivent et donnent un cachet vraiment particulier au jeu, loin du style manga habituel qu'on voit souvent dans les visual novels. Il arrive même, suivant les tableaux, à passer d'un côté impressionniste à une approche plus expressionniste. Courant artistique pourtant sensiblement différent, mais qui ici se mélange à merveille. Pour les portraits des personnages lors des dialogues, l'approche est celle de la BD, mais là encore dans un style loin de celui du manga. De plus, tout le travail a été fait intégralement à la main, faut-il le préciser. Texte et illustrations sont accompagnés par un sound design impeccable, que ce soit les bruitages, légers et jamais intrusifs, et surtout la musique signée Charles-Henri Martin. Musique dont vous écoutez un extrait en fond sonore de cette vidéo justement, mais qui n'est pas encore disponible car le compositeur souhaite la retravailler avant de la proposer à l'achat. Chose que je ferai probablement quand la bande originale sortira. Cette bande originale est formée de pièces au piano solo et imprègne vraiment le jeu d'une ambiance particulière, qui oscille entre mélancolie, onirisme, air plus joyeux, parfois, et même des moments de tension. Son utilisation est mesurée et la rend d'autant plus appréciable. Enfin, les développeurs ont aussi par moments recours au silence total. Et c'est là encore une très bonne chose. Le silence est une forme de respiration. Mais en musique, c'est aussi une note capitale, à la fois point, virgule, et surtout bascule vers une autre mélodie. Son utilisation parcimonieuse renforce certaines scènes et les choix que nous devrons effectuer. Cela participe une nouvelle fois à l'ambiance générale du titre. Une ambiance et même un univers très prenant qui font tour à tour penser à du Claude Chabrol pour la peinture du milieu campagnard où l'on retrouve des petits bourgeois et leurs manigances, mais qui en partant dans le côté plus folklorique et mystique m'ont parfois fait penser au roman Un meurtre est-il facile d'Agatha Christie ou encore Club Dumas, roman d'Arturo Pérez Reverte, adapté au cinéma sous le titre La 9e porte par Roman Polanski. Polanski que les développeurs citent comme source d'inspiration, notamment pour son art du suspense dans Rosemary's Baby. Geoffroy Vincent mentionne aussi les travaux du réalisateur basque espagnol Julio Medem. Il mentionne également ses propres souvenirs de jeunesse quand il vivait dans son Limousin natal. Et si cette région n'est jamais mentionnée dans le jeu, lorsque l'on voit certaines illustrations, la filiation sort clairement aux yeux. Que ce soit au niveau des paysages ou encore des châteaux et villages. Au final, Along the Edge est donc un visual novel très réussi, qui sort des sentiers parfois trop balisés du genre et nous propose de vivre une aventure bien ficelée avec des thèmes variés et approfondis. Notamment un, plus personnel, lié au passé intime de Daphné, que je ne révélerai certainement pas ici, mais qui est écrit avec beaucoup de sensibilité et n'apparaît que rarement dans la production vidéoludique. Il faut donc rendre gloire à Novabox pour cette petite douceur envoûtante qui se savoure à l'écran, comme on savoure un bon petit roman les dimanches après-midi pluvieux ou les soirs d'hiver au coin du feu. Et on espère très vite retrouver Geoffroy Vincent, Nicolas Fouquet et le reste de leur équipe pour de nouvelles expériences de cet acabit. Pour rappel, Along the Edge est donc disponible sur PC, Mac, Linux, iOS et tablette, et je n'aurai qu'un conseil à vous donner, laissez-vous ensorceler. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et si vous le voulez, partager, liker ou disliker, et plus si affinité. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.